blabla, tout le monde pas le choix, je laisse le doute planer. Quand je donne le meilleur de moi, je le fais toute l'année. Même si le temps est long, ils cherchent à nous blâmer. Je ne sais plus ce que je veux, mais sache que je ne doute jamais. Je peux pas plat, tout le monde pas le choix, je laisse le doute planer. Quand je donne le meilleur de moi, je le fais toute l'année. Même si le temps est long, ils cherchent à nous blâmer. Je ne sais plus ce que je veux, mais sache que je ne doute jamais. On vit dans un monde où le mensonge a pris le dessus, y'a que les yeux qui ne trompent pas. Certains vont te reconnaître à ta juste valeur, d'autres ne te reconnaîtront pas. Je te mens pas, je me suis tellement pris la tête. J'aimerais prendre mes proches et m'enfuir avec. On donne du pouvoir au plus fou maintenant qu'il arrête tout ça pour se plaindre sur les trocas. Y'en a tristesse, beaucoup de fils d'up qui prennent du terrain que veux-tu c'est des disquettes. Aucune anti-sèche, ici c'est moi le chef. T'as voulu dire la vérité, tu as pris ferme. Devant la télé, t'es là, tu crois soigner tes mots. Aucune vérité, c'est des criminels. Un peuple fêlé, le schéma recommence. L'état commande encore des armes pour t'éliminer. Je peux pas plaire à tout le monde, pas le choix, je laisse le doute planer. Quand je donne le meilleur de moi, je le fais toute l'année. Même si le temps est long, ils cherchent à nous blâmer. Je ne sais plus ce que je veux, mais sache que je ne doute jamais. Je peux pas plaire à tout le monde, pas le choix, je laisse le doute planer. Quand je donne le meilleur de moi, je le fais toute l'année. Même si le temps est long, ils cherchent à nous blâmer. Je ne sais plus ce que je veux, mais sache que je ne doute jamais. J'ai essayé de changer les autres, c'est juste impossible, mais je donne le meilleur de moi. Ils m'ont juré d'être là, mais vu mes problèmes, ils m'ignorent, ils me regardent loin. J'ai pas que des couteaux dans le dos, certains ont visé en plein milieu de mon cœur. Mais je les ai déjà pardonnés, j'ai fait bien pire, je suis narrateur, je suis l'auteur. La ville est dans le système, maintenant tu sais qu'ils n'ont pas envie d'aller de l'avant. Le miracle venant du ciel, c'est leur anti-stress, j'aimerais que tout se termine maintenant. La vie ce n'est pas Disney, non, je sais même plus quelle journée et quand se termine l'année. La plupart se disaient, mon mais recule d'un pas dès qu'il faut aller de l'avant. J'ai donné mon cœur et mes armes, même toutes les clés. Même si le monde est petit, on l'a sous les pieds. Je me fais confiance car je suis le seul qui peut m'aider. Je peux pas plaire à tout le monde, pas le choix, je laisse le doute planer. Quand je donne le meilleur de moi, je le fais toute l'année. Même si le temps est long, ils cherchent à nous blâmer. Je ne sais plus ce que je veux, mais sache que je ne doute jamais. Je peux pas plaire à tout le monde, pas le choix, je laisse le doute planer. Quand je donne le meilleur de moi, je le fais toute l'année. Si le temps est long, ils cherchent à nous blâmer. Je ne sais plus ce que je veux, mais sache que je ne doute